Une seule nuit de Quokkamon Inno Beto. Lu pour LibriVox.org par Sandra. Aurait-il donc suffi d'une nuit au sommeil passager pour me rendre amoureuse jusqu'à la fin de mon existence? Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public.